بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فخيرنا الله عز وجل avec cette série de cours que j'ai commencé l'année dernière ici avec sur les positions d'El Salaf Ridwanullah alayhim. Et les cours sur, avec les positions d'El Salaf nous montrent quelque part pour réfuter à cette ambiguïté et cette fausse idée que certains répondent, comme quoi la réfutation et le fait de répliquer aux innovateurs et le fait de répliquer et de montrer les erreurs de certains, ça c'est une innovation innovée par Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala ou par Cheikh Ubaid ou là par Cheikh Mohamed Amal Jami, alors que ça c'est quelque chose de connu depuis le Coran. Et à la réfutation, le Coran il fait la réfutation, Allah subhanahu wa ta'ala fait la réfutation aux juifs et aux chrétiens et aux hypocrites. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait de même, et les compagnons de Mohammed alayhi wa sallam ont fait de même, et les imams de cette communauté l'ont fait jusqu'à la fin des temps et jusqu'à nos jours. Et avec ça de plus, il y a certains rois qui ont fait de la réfutation. Harun Rashid a répliqué radiyallahu anhu wa arda. Certains rois d'Arabie Saoudite étaient des hommes de science, ont répliqué. Certains rois du Maroc de la dynastie actuelle qui règne actuellement ont répliqué aux innovateurs. Et aujourd'hui, avec l'un des sultans du Maroc, sultan Abd al-Hafid ibn al-Hassan, de la dynastie actuelle, qui est mort en 1356 de l'Égypte. Il est mort à Marrakech, rahimahullah ta'ala, et il était un homme de science, et un littéraire, et quelqu'un qui réfutait les innovations. Abd al-Hafid ibn al-Hassan, ibn Muhammad al-Hassani al-Alawi, rahimahullah, Abu al-Mawahib, sultan al-Maghrib al-Aqsa, ولد بفاس رحمه الله ونشأ في قبيلة بني عامر في الجنوب الغربي من مراكش. تولى السلطة سنة 25,300 من الهجرة، وخلع نفسه سنة 31,300 من الهجرة، وكان فقيها وأديبا رحمه الله تعالى. عبد الحفيظ بن الحسن رحمه الله بن محمد الحسني العلوي أبو المواهب سيتي ساكونيا، il était le sultan du Maghreb du Maroc. Il est né à Fès رحمه الله عليه. Il a grandi dans une tribu dans les alentours de Marrakech, au sud-est, au sud-ouest de la ville de Marrakech. Et en 1325 il a pris le pouvoir, et lui-même il a laissé le pouvoir de lui-même il a laissé le pouvoir en 1931. Il était un faqih dans le vrai sens du mot, hein, non pas comme les charlatans dont il vous a parlé, hein, le frère Sidati hier dans le cours. Ada, c'était un faqih, c'était un jurisconsulte de la législation. Il était un grand littéraire aussi, rahmatullah alayh. Wa tufiya sanat 6,500. Et il est mort en l'an 1356 de l'Égypte, rahimahullah ta'ala. Et il est enterré dans l'un des cimetières de la ville de Marrakech. Lahu min al-athar, rahimahullah, kashfu al-qina' an i'tiqad tawa'if al-ibtida'. Il a un grand livre qui s'appelle enlever le voile sur les croyances de certains groupes pigas et de certaines sectes. Tubi'a qadiman bifas wa bil matba' al mawlawiya bifas sanat 27 wa 300 alf lil hijra. Il a été édité la première fois dans la ville de Fès en 1927, en 1327 de l'Égypte. وهو عبارة عن رد على الطائفة التجانية في زمانه. Et ce livre, c'est une réplique à la secte de Tijaniya. Cette Tijani qui est très répandue en Afrique. Et dans le sanctuaire, le mausolée de leur soi-disant saint patron, il est dans la ville de Fès. Mais l'origine de Ahmed Tijani, il est d'Algérie. Mais c'est une secte qui a pris racine à partir de toutes. C'est l'une des plus grandes sectes. Il y a le plus grand pouvoir sur l'Afrique noire et certaines régions d'Afrique noire. Yarhamukallah. وقد تجنت هذه الطائفة على هذا الكتاب فتجندت له وتتبعته واشترته من الأسواق ثم أحرقته. Et cette secte Tijani, quand ce livre a été édité, les adeptes de la secte, par l'ordre de leur chouyour, ils ont suivi ce livre. Là où il se trouve, ils l'achetaient, ils le brûlaient. Là où se trouve ce livre, ils l'achetaient et ils le brûlaient. وَلَكِنْ نَجَّ اللَّهُ مِنْهُ بَعْضَ النُّسَخْ. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé certains copies et certains qui n'ont pas pu être brûlés. فَهِيَ لَا تَزَالُوا إِلَى الْآنِ. Et on l'a encore jusqu'à nos jours. كما توجد منه نسخة في المكتبة الملكية بالرباط وأخرى في مكتبة باريس. Et comme il se trouve aussi un manuscrit dans la bibliothèque royale de la ville de Rabat et aussi une autre copie qui se trouve dans la bibliothèque nationale de Paris. ذكر في مقدمته رحمه الله تعالى مقدمة حافلة في الحث على الاتباع وذم الرأي والابتداع. Dans l'introduction, rahmatullah alayh, il a cité beaucoup de hadiths et beaucoup d'athars d'El Salaf Ridwallah alayhim qui incitent au fait du suivi du prophète alayhi salatu salam et au fait de faire très attention à l'innovation et au fait de innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, innama yultamasu ridallah bi kalamih wa furudihi وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يلتمس بالبدع وقول الزور على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والزيادة في الدين ما ليس منه. أبي هذا يلتمس رضا الله تعالى ونبيه؟ لا يلتمس بهذا أبدا. Il dit رحمه الله dans ce livre, on cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et on obtient l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le fait de mettre les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le fait de suivre la sunna de son messager alayhi salatu wassalam. On cherche pas l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les innovations et avec le fait d'éditer et de dire des paroles fausses sur Allah et sur son messager alayhi salatu wassalam. Et on n'obtient pas l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le fait d'augmenter dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de rajouter dans la religion ce qu'il n'y a pas dedans. Il a dit, c'est impossible que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, on puisse l'obtenir ainsi. Qala rahimahullah, wa qad qultu fi shiddatin li rajulin yawman yastaghithu bi ba'd al-amwat wa yunadi ya fulan aghithni qul ya Allah. Faqad qala subhanahu wa ta'ala, idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qareebun ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani. Faghadiba وبلغني أنه قال إن فلانا منكر على الأولياء. Et il dit, un jour j'ai dit à quelqu'un avec sévérité et fermeté à un homme qui faisait ce qui demandait secours aux morts. Il demandait aux morts de le secourir. Et il disait, Ya Fulan, Ya Sidi Fulan, sauve-moi, secours-moi. Et il lui a dit, il était à côté de lui, il lui a dit, Ya Allah, car il est dans le verset, quand mes serviteurs te demandent, dis-leur, je suis proche, je leur exauce leur dua. Et l'homme s'est mis en colère. il a été transmis à Moulay Hafid rahimahullah ta'ala qu'il a été cet homme a propagé dans un petit peu dans le milieu, hein, dans la ville où il était, comme quoi Moulay Hafid n'aimait pas l'awliya. Ainsi, il en est des innovateurs. Ainsi, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, chaque fois que quelqu'un, qu'un prêcheur appelle vers la sunna ou vers le monothéisme, il lui donne aussi la même chose qu'on va, la même étiquette qu'on va lui coller, il n'aime pas l'awliya. Ou alors, il n'aime pas le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Vous voyez, par exemple, prenez hada, le Joufri, hada, il dit que hada, les salafis, les sunnis n'aiment pas le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Parce que, tout simplement, pourquoi? Parce que les sunnis, les salafis, les hommes de science interdisent le fait de demander directement à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et parce que ils interdisent le fait, ils disent que hein, le fait de fêter le mouloud, c'est une innovation et n'a pas à avoir lieu. Donc le Joufri, il dit, hein, n'aime pas Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est la même réplique. Il est ancienne, mais il est nouvelle en même temps. C'est toujours la même chose. Hein? Il dit وسمعت بعضهم عن بعضهم انه قال الولي اسرع اجابه من الله عز وجل وهذا من الكفر بمكان نسال الله ان يعصمنا من الزيغ والطغيان انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Il dit j'ai entendu certains parmi eux, c'est-à-dire parmi ceux qui adorent les tombes, qui disent le wali répond plus rapidement qu'Allah عز وجل quand il lui demande, اعاذن بالله. Et Moulay Hafid rahmatullah alayhi, il a dit ça, c'est une mécréance en soi. Le fait de croire que le wali, le mort, répond et exauce plus vite qu'Allah Azza wa Jal, ça c'est une mécréance en soi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en protège, comme il a dit rahmatullah alayhi, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne divise pas nos cœurs. Hein? Et il est, une fois est arrivé un des monothéistes au Soudan, qui était commerçant, et un vieux, pas vieux, mais d'un certain âge, tout simplement, hein, était sur son âne, et il a trébuché, il allait tomber, c'était une journée où il pleuvait, et au moment de tomber, il a dit, Azdi Hussein, le jeune monothéiste qui était épicier, il lui dit, quand l'homme est revenu, il est rentré dans le magasin, hein, pour s'abriter à l'entrée du magasin, il lui a dit, tu aurais dû dire à Allah, tu te rends compte de ce que tu as dit? Il lui a dit, qu'est-ce que tu as dit? Tu as appelé quelqu'un d'autre qu'Allah Azza wa Jalla. Il lui a dit, si Zdi Hussein ne m'a pas entendu, Allah ne m'aura pas entendu. Et je divorce ma femme si, hein, Zdi Hussein ne m'a pas entendu. Ainsi, ces croyances, quand ils s'ancrent dans les cœurs des gens, ils arrivent à ce point-là, à donner des choses à ceux qu'ils adorent, qui ne sont du qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. وقال رحمه الله وقد صح أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول السلام عليكم أهل الديار. Il dit رحمة الله عليه Moulay Hafid que يرحمك الله, ce qui nous a été rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام et ce qui est authentique de notre prophète عليه الصلاة والسلام dans son enseignement, c'est qu'il a enseigné à ses compagnons quand ils allaient à la visite des tombes de dire quoi? Salam alaykoum ahl al-diyar. Salut à vous les gens de la demeure. Hein? Antumu sabiqoun wa nahnu inshallah bikum lahiqoun. Allahumma in kanu muslimina fazid fi ihsani muhsinina fazid fi ihsanihim wa in kanu musiina fatajawaz anhum. Ainsi le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous apprenait quand on visite les tombes, c'est de saluer les gens de la demeure. Salam alaykoum, vous les habitants de cette demeure. Hein? Vous êtes les premiers, nous, Inch'Allah, nous allons vous suivre. Ou Allah, s'ils étaient des gens qui faisaient le bien, augmente leur bien. Et si c'était des gens qui faisaient mal, ou Allah, subhanahu wa ta'ala, pardonne-leur. Ainsi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a appris comment visiter les tombes et comment, hein, saluer les gens qui sont dans les tombes. Et non pas de leur demander quoi que ce soit. يقول رحمه الله ولم يرد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص الخير الخلق على الخير أنه طلب من ميت شيئا. Il dit رحمة الله عليه, il nous a pas été rapporté d'un des compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام que l'un d'eux à demander le bien à un mort ou à quelqu'un. Alors que ce sont les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam, ce sont des gens qui cherchent le bien là où il est. Et comme il a dit Ibn Kathir rahmatullah alayh, law kana khayran la sabaquna ilayh. Et il disait, Ibn Kathir rahmatullah alayh, disait des actes innovés, hein? Il dit, si ces actes là sont un bien, les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam seraient le premier à le faire. Mais comme ce n'est pas un bien, ils l'ont pas fait. بل قد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا دخل الحجرة النبوية زائرا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتي ثم ينصرف ولا يطلب من سيد العالمين عليه الصلاة والسلام أو من ضجيعيه المكرمين رضي الله عنهما شيئا وهم أكرم من ضمته البسيطة وأرفع قدرا من سائر من أحاطت به الأفلاك المحيطة. Il disait رحمه الله تعالى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما quand il venait, il rentrait dans la chambre de Aïcha رضي الله تعالى عنها où était entouré le prophète عليه الصلاة والسلام, son père et Abu Bakr Siddiq رضي الله عليهم. Il rentrait, il dit السلام عليك يا رسول الله, hein, السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتي, hein. Et après il partait, il demandait rien, même à la plus noble créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il lui demandait rien. Il demandait pas à ceux qui sont enterrés à côté de lui, qui sont les plus nobles de la création humaine après les prophètes alayhim salatu wassalam, qui sont Abu Bakr et Omar ridwanallah alayhim, qu'on déplaise à Rafida et qu'Allah subhanahu wa ta'ala écrase le nez dans Rafida dans ce qu'il mérite et qu'Allah subhanahu wa ta'ala coagule le sang dans leurs veines. Et s'ils les insultent, ils parlent d'eux en mal, le mal c'est eux qui sont dans le mal et c'est eux qui baignent dans le mal et c'est eux qui sont l'impureté. Et il est d'une puissance d'Allah alayhim qui a dit de Rafida, si c'était des animaux ce serait des ânes, et si c'était des oiseaux, il y a un grand aigle qui est insensé. Je ne me rappelle plus de son nom en français, mais c'est un aigle qui est noir, dont la tache du ventre il est blanche. Et cet aigle-là, il est insensé. C'est-à-dire, quand il sort de son nez, il laisse ses yeux, il ne sait plus revenir là-bas. Et certains de nos puissants, d'Allah alim, si ils avaient, s'ils devaient être des animaux, ça serait des ânes. Et s'ils devaient être des oiseaux, ça serait ce genre d'aigle qui, quand il quitte son nid, il ne sait plus y revenir. Hein? Et les puissants d'Allah alim, ils avaient raison. Ils avaient raison. Ridwanullah alim. Parce que celui qui insulte Abu Bakr et Omar, il veut insulter le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas y aller directement de front, donc il prend un détour. Hein? Pour dire quoi? Pour dire Hada, Abu Bakr et Omar, ce sont les meilleurs et les intimes de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il les désigne en tant que d'être mauvais. Hein? Ça veut dire que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est mauvais. Voilà ce que ça veut dire. Hein? Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'égarement et de la situation dans laquelle sont tombés les ennemis d'Allah azza wa jal. Enfin, il dit, rahmatullah alayh, ce sont les plus nobles humains que la terre a contenu, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar, ridwanullah. Regardez ce respect qu'il avait des deux vizirs du prophète alayhi salatu wassalam et des deux grands compagnons de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ce sont les meilleurs, c'est-à-dire après le prophète alayhi salatu wassalam, que la terre a contenu, hein, et qu'ils avaient une grande place dans la communauté humaine, hein. Il dit, rahmatullah alayh, il montrait ses positions vis-à-vis de Sufi, et il dit, قال في كشف القناع وهو يتكلم عن صلاة الفاتح عند التجانيين. صلاة الفاتح, il dit, rahmatullah alayh, dans son livre كشف القناع, en parlant de cette prière innovée sur le prophète alayhi salatu wassalam qui est صلاة الفاتح, hein. صلاة الفاتح pour Tijaniya, si tu l'as fait, hein? Ça veut dire que si tu l'as fait juste une fois, c'est comme si tu allais 60 000 fois le Coran. A'oudou billah. Et ce sont des paroles innovées dans lesquelles il y a de l'associationnisme, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. يقول ومن زعمهم الفاسد أيضا أن صلاة الفاتح خصنا الله بها كما خصنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. Il prétend, c'est Tijani, hein? Il les voit, il est innové il n'y a pas longtemps. Ils disent que Salat al-Fatih, Allah nous en a fait la particularité comme il nous a fait la particularité d'avoir envoyé Muhammad alayhi salam. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa al-afiyah. D'où ils ont ramené cette particularité, hein? Quelle révélation il y a eu après la mort de Muhammad alayhi salam pour savoir que ça c'est une particularité. يقول وأنها تسمو على كل العبادات. Ils disent Huma sur leur salat al-fatih qu'il dépasse toutes les adorations. C'est-à-dire que toutes les adorations sont un degré plus bas que salat al-fatih. ومن أين للقائل أن صلاة الفاتح خصنا الله بها. Et Moulay Hafidh rahmatullah alayhi il dit d'où il tient celui qui dit que salat al-fatih c'est une particularité que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette communauté. D'où il tient, c'est quoi sa preuve? C'est quoi la preuve? Moulay Hafidh leur dit, c'est quoi votre preuve? D'où vous la tenez? Hein? فإن كان يريد اللفظ العربي فلا مزية لها على غيرها من الصلوات المخترعات. Il dit s'il veut avec ça, hein, l'expression arabe, et que c'est une expression arabe, et que il dit c'est quoi, quelle particularité il a cette prière par rapport aux prières, aux autres prières innovées? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont innové au niveau de la des salutations de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit quelle particularité dans ces cas-là il a par rapport aux autres innovations au niveau de la prière sur le prophète. Wa in arada khususa shar'iyatin khususiyya shar'iyya fala yajid li dhalika sabila. Ici maintenant il veut avec cette expression une particularité législative, il pourra pas. Quelle preuve il a? Où est la preuve? Walaw qala walaw qawlan shadhan. Même une petite parole marginale, inventée, il n'y aura pas. وهل الخصوصية تقبل من مدعيها بلا نص؟ انظروا السلف رضوان الله عليهم. Est-ce que la particularité d'un acte, on peut l'accepter comme ça sans aucune preuve? Regardez la position des salafs. Rien ne peut se faire sans preuve. D'où vous tenez cette particularité? Hein? يقول رحمه الله هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعوذوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Il dit رحمه الله تعالى en citant un verset, ça c'est un énorme mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala vous fait la leçon pour que ne revenez plus à ce genre de situation. Jamais il faut y revenir si vous êtes croyant. Il dit, il rappelle car le rappel fait du bien aux croyants. واتى ببيت شعر ببيت من الشعر وكان الشيخ ناصر رحمه الله عليه كثيرا ما يردد هذا البيت لقد سمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي. Il dit, hein, ce poème souvent Cheikh Nasser il répète, il dit tu as fait entendre si tu appelles un vivant, mais il n'a pas de vie celui que tu appelles. Hein? Il n'a pas de vie. Sinon, là, tu as fait l'appel. يقول رحمه الله تعالى وعلى فرض تسليم أنها خصوصية فهل تجعل مقارنة لخصوصية النبي لنا؟ Il dit supposons, gars, مثلا, hein, que c'est une particularité. Est-ce qu'on va la mettre au même pied d'égalité avec la particularité du prophète alayhi salatu salam? C'est impossible. على أننا لا خصوصية لنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل للعالمين جميعا إنسهم وجنيهم يهوديهم ونصرانيهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Et encore, on n'a pas de particularité. Le prophète n'est pas venu tout simplement pour les Arabes. C'est pas un prophète envoyé particulièrement aux Arabes. Il est envoyé au monde, le monde des humains et le monde des djinns. Il est envoyé aux juifs et aux chrétiens, à tout le monde. Hein? Et il cite ce verset, celui qui veut qu'il croit et celui qui veut qu'il m'y croit. يقول والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, hein, appelle vers la maison de la paix et guide qui il veut vers la voie droite, vers la rectitude. ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا. Et si Allah subhanahu wa ta'ala le voulait, tous ceux qui sont sur la terre seraient des croyants. يقول فمقالة هذا الرجل تؤذن بعدم عموم الرسالة وهذا كفر صراح نعوذ بالله. Il dit la parole de cet homme qui dit, hein, il dit que de cette particularité, la particularité du prophète, la particularité de cette prière, hein, à cette communauté, il dit ça, c'est une mécréance en soi, parce que ça veut dire que le prophète n'est pas envoyé en général aux deux mondes. Et il dit ça, c'est une mécréance en soi, rahimahullah ta'ala. وَتُؤْدِنُ بِاسْتِوَاءِ الْفَاتِحِ وَالنَّبِيِّ. Et ça, ça fait dire que le Fatiha et le Nabi sont à même pied d'égalité. وَإِنْ أَرَادَ بِالْخُصُوصِيَةِ كَوْنُهُ مِنَ الْعَرَبِ فَمُسَلَّمَ. Et si il veut dire par la particularité que ça, c'est une expression arabe et que le prophète est arabe, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. ولكن لا نسبة بينهما وبين الفاتح ولا خصوصية للفاتح. Il n'y a aucun rapport entre le Fatih et le Rasoul صلى الله عليه وسلم. Il n'y a aucun rapport pour le Fatih non plus. وقولهم إنها تسمو على كل العبادات. الألف واللام هنا للاستغراق ورفع إيهام الجنسية في ضمن فرض والاستغراق العرفي بقولهم كل. Donc il dit, rahmatullah alayh, et le fait qu'ils disent qu'il est au-dessus de toutes les adorations, fil ibadat, il y a l'article al, hein, et al ici, ça englobe toutes les adorations, ça veut dire toutes les adorations rentrent dedans, hein, et ça, ça enlève le fait, l'illusion de que ça concerne un individu ou là, une famille de certaines adorations. Là, ça veut dire que Salat al-Fatih, pour eux, il est mieux que toutes les adorations. Toutes les formes d'adoration, hein, qui sont, comme il a dit Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, l'adoration, hein, qawlun wa amal, qawlun dahir wa qawlun batil, wa amalun dahirun wa amalun batil. Hein. Et Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, il disait de l'adoration, c'est tout acte et toute parole qui sont apparents, les actes et les paroles du cœur et tout ce qui se fait à l'intérieur, et les actes apparents et les paroles apparentes aussi. Tout rentre dedans. Huma, ils mettent le Salat al-Fatih au-dessus de tout ça. Hein? Et donc, ils veulent par ça que toutes les adorations sont surpassées. Il dépassait par Salat al-Fatih. فيقول رحمه الله فتبت الاستغراق الحقيقي بجميع الافراد. Il dit dans ces cas-là, ça veut dire que leur adoration, leur Salat al-Fatih a dit, dépasse toutes les formes de l'adoration. ويلزم عليه انها افضل من القران والحج لانهما عباده ومن الصلوات الخمس ومن الجهاد ومن سائر العلوم الشرعيه فقها وحديثا وتفسيرا وتوحيدا وغير ذلك وهذا كفر صراح. Il dit, ça implique aussi que cette salat al-Fatih, il est meilleur que le Coran, meilleur que le Hajj, meilleur que la prière, car ce sont des adorations. Et meilleur que le jihad, c'est une adoration. Et meilleur que toutes les sciences de la législation, meilleur que le fiqh, meilleur que le hadith, meilleur que l'interprétation du Coran, meilleur que le monothéisme. Et il dit, tout ça, c'est une mécréance claire. C'est une mécréance claire. Et kalamullah bin nisbati li kalam al khalq ka nisbati Allah min al khalq. Parce que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Coran, par rapport à la parole des créatures, quel rapport il y a? Il n'y a aucun rapport. Hein? Il n'y a aucun rapport. Allah subhanahu wa ta'ala, il a sa majesté. Hein? Il est humain, il est faible. Et la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la plus noble, la plus véridique des paroles. Et la parole de l'être humain, il y a du mensonge, il y a du vrai, il y a du faux dedans. Il y a du blâmable dedans. Quelle comparaison il peut y avoir entre la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et la parole de l'être humain? Il n'y a aucune comparaison. يقول وأما غيره ممن سردناه فلا يشك أحمق فضلا عن عاقل أن ثواب الواجب أعظم وأفضل. Il dit, quant aux choses que nous avons citées, c'est-à-dire la prière, le combat, la demande de la science, etc., elle dit, un fou qui n'est pas doué de raison, c'est faire la déférence, que c'est impossible, que ça a plus de vertu et plus de récompense que les obligations. Un fou fera la différence. Yadou, ils n'ont pas fait la différence. يقول وفي الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Il cite une preuve, il dit, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec les choses que j'aime le plus, qui sont les obligations. Donc les obligations, ce sont les choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et le surrogatoire vient après pour faire de la personne qu'il soit waliullah et qu'il soit aimé min Allah azza wa jal. Mais les choses qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala en premier, ce sont les obligations en premier. Wa in qila muraduhu al-adhkar aqulu qala alayhi as-salatu was-salam afdalu ma qultuhu ana wa an-nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Il dit, si ils veulent dire par les vertus de cette, et que Salat al-Fatih est meilleur que toutes les adorations, ils veulent par ça les invocations. Il a dit, Rasulullah sallam a dit, la meilleure des choses que moi j'ai dit, ainsi que les autres prophètes, c'est La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in. C'est la meilleure des paroles que Rasulullah sallam a dit. Et il a dit que c'est la meilleure des paroles qu'il a dit lui, ainsi que les autres prophètes alayhi salatu. Regardez les répliques de nos puiseurs d'Allah alayhim. On ne tombe pas dans les ambiguïtés que propagent ces innovateurs et ceux qui veulent que les choses se mélangent et qu'il n'y ait pas de particularité dans la voix des puiseurs d'Allah alayhim. Et qui accusent les hommes de science injustement. Que les répliques, c'est quelque chose, c'est un moyen que Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour protéger cette religion et pour protéger la voix de nos puiseurs d'Allah alayhim. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la capacité et la force à certains hommes pour accomplir ce devoir qui est énorme. Et ils l'ont accompli comme il se doit, rahmatullahi alayhim. Wa kalamu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-makhluqat bi manzilati an-nabi minhum. Fa hal salatun mukhtara'atun ta'dilu bihada kulli. Il dit, la parole du prophète alayhi salam par rapport à la parole des autres humains et des autres créatures, il a quelle place? Il est plus haute que la parole des autres créatures. Ils disent que ce genre de prière innovée peut égaler à tout ça. Il peut égaler à la parole d'Allah, il peut égaler à la parole du prophète alayhi salam. C'est impossible. Yaqulu rahimahullah كزعمهم الفاسد في التصلية التي يسمونها بجوهرة الكمال وفيها ما يوهم نقصا في النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسقم. وهذا مبالغة. الأسقم إذ هو اسم تفضيل من السقم. Il dit, رحمه الله تعالى, aussi cette prétention qu'ils disent dans un autre recueil qui s'appelle جوهرة الكمال, et dedans il y a des phrases qui donne l'impression que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est asqam. Ça veut dire qu'il est malade. C'est un superlatif qui vient du saqam, de la maladie. Ainsi, il traite le prophète alayhi wa sallam. Et l'asqam, il l'utilise, mais c'est un superlatif. وقد نص الفقهاء رحمه الله على أن من قال قاولا يوهم نقصا في النبي صلى الله عليه وسلم يكفر إجماعا. Et les jurisconsultes رحمه الله تعالى disent que celui qui dit une parole qui, dans laquelle il y a une illusion de la diminution du prophète عليه الصلاة والسلام, il mécroit. Le consensus est là-dessus des fuqaha. Et ceux qui sont les plus sévères à ce point-là, ce sont les Hanaf, rahimahumullah ta'ala. Disent que quelqu'un, il dit tout simplement, de la mosquée, il dit Mousseïjid. Il le diminue tout simplement. Masjid, il le diminue, il dit Mousseïjid, il dit Hada yakfar. C'est les Hanaf. Ils sont les plus sévères à ce niveau-là. وكذلك من قال قولا يتضمن مخالفته صلى الله عليه وسلم. Il dit aussi, celui qui dit des paroles qui sont en contradiction avec le prophète عليه الصلاة والسلام. يقول ما لهم لم يقولوا الأقوام أتقول على ألسنتهم. Il dit pourquoi ils n'ont pas dit l'aqwam, c'est-à-dire le meilleur, celui qui est le plus dans la droiture, qui fait les choses à la perfection. Est-ce que ça c'est lourd sur leur langue au lieu de dire l'asqam? Am qasadu l'istighraq fi l'mutashabih. Ou alors ils ont voulu plonger dans les ambiguïtés et plonger les gens dans les ambiguïtés. يقول رحمه الله مستدلا بآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Il dit, en citant ce verset, ceux qui ont la déviation dans le cœur, ils suivent les ambiguïtés. Qu'est-ce qu'ils veulent en suivant les ambiguïtés? Ils veulent fitna. Et ils veulent aussi détourner le sens des mots et le sens de la révélation. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salama wa al-afiyah. على أن ذلك في كتاب الله لا في المخلوقات وأما كلام المخلوقات فما يوهم نقصا مما يؤدي لإهانة النبي صلى الله عليه وسلم. Alors que tout ceci est dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas dans les créatures. Alors que les paroles des créatures, les paroles des créatures, il n'y a rien dans lequel qui donne l'illusion que le prophète alayhi salatu salam, il est diminu. Ou là, il a des défauts ou quoi que ce soit dans ce sens-là. Et ça implique le fait de négliger le prophète alayhi salatu salam et de ne pas le respecter. Et ça, pour le fuqaha rahmatullah alayhi qu'on dit cheikh ici, il dit ça c'est de la mécréance. Faites d'avilir le prophète alayhi salatu salam. Faites de ramener des termes qui diminuent de la valeur du prophète alayhi sallam et qui diminuent aussi de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils ont fait que le Fatih, salat le Fatih, est mieux que la parole d'Allah azza wa jalla, est mieux que la parole du prophète alayhi sallam. Et ils sont ramenés, ils ont décrit aussi le prophète alayhi sallam comme quoi il est grand malade, asqam. Yaqul inna alladhina يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. Il dit dans le verset, ceux qui font du mal au prophète alayhi salam, Allah et à son messager, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits dans ce bas monde et dans le delà, et il leur a réservé un énorme châtiment. ومن زعمهم الفاسد أن سيد أحمد التجاني هذا سيدهم أحمدهما أن سيدهم أحمد التجاني من ممد لمن مضى قبله ومن يأتي بعده. Et parmi leurs prétentions pour leur Ahmed Tijani, il donne et il alimente ceux qui sont venus après lui. Il est mort, il alimente ceux qui sont venus après lui. ومن صيغ العموم كما هو معلوم. Et من ici, ça fait partie des expressions qui désignent le général. Il englobe toutes les familles rentrent dedans. Fayadkhulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li'annahu qala mimman mumiddu liman madha qablahu wa man ya'ti ba'da. Ils disent que hada tijani, il alimente ceux qui sont morts avant lui et ceux qui sont venus après lui. Et ça rentre tout ce qui est venu avant lui et tout ce qui est arrivera après lui, après sa mort. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واهل القرون المشهود لهم بالخيريه. Et dedans rentre dans ces cas-là qu'il alimente le prophète alayhi salatu salam et les compagnons et tous les meilleures générations de l'islam. Parce qu'il alimente tout le monde. Ils disent que lui, il alimente tout le monde. Ceux qui sont morts avec et ceux qui vont venir après. فانظر رحمك الله هذا الحمق الفادح كيف يمد رجل في القرن الثالث عشر أهل القرون الأولى أتهور هذا أم كفر أم سكر il dit رحمه الله تعالى regarde ce stade de folie et de déraison clair comment un homme qui est mort au 13e siècle va alimenter les générations qui sont passées avant lui. Ils disent que ça, c'est de la folie, ou là c'est de la mécréance, ou là c'est de la saoulerie. وكيف يمد من بعده وهو ميت إن قضى عمله عن الدنيا بالكلية. Il dit comment aussi il va alimenter alors qu'il est mort, il alimente ceux qui vont venir après lui. Ça veut dire on les suivant, nous on est alimenté par Tijani. Hein? Voilà ce que ça veut dire. Que tout ce qui vient après lui, c'est lui qui les alimente. Hein? Que la source de la vie, c'est lui. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, salam wa l'aviyya. Et il y a des gens qui gobent. Et ça, ce frère en Allah, Azza wa Jal, la secte d'Yal Tijaniya, il fait les lois dans le monde africain. J'ai rencontré un haut fonctionnaire, hein, d'un des états du Maghreb, pendant un ramadan, et on parlait à un moment donné, et on parlait des sectes. Et lui, il était au Sénégal. Et il m'a dit, viens, tout ce que tu sais, tout ce que tu dis là, c'est vrai. Mais je vais te dire encore pire que ça. Il m'a dit, tu vois ces présidents-là que tu vois dans l'Afrique. Bien, c'est des petits-enfants quand ils viennent visiter un chirdien d'une tariqa. Il s'assoit par terre, il enlève ses chaussures, il est comme un petit bébé. C'est, il bouge quand Cheikh lui dit de bouger. Et il dit, et tous les présidents que tu vois là, hein, il m'a dit, attention qu'ils parlent, ou là qu'ils disent... lors d'Yal l'Eid, d'Yal l'Fitr, à la clôture du mois de Ramadan, ou là n'importe quelle fête qu'il la déclare, sans avoir s'est concerté avec les têtes d'Yal l'Toroq, d'Yal les sectes. Il a dit, tu vas voir la pagaille qu'il va y avoir dans leur pays. Dit, c'est comme des enfants devant eux. Et il m'a dit, il y a certains chers qui sont très hauts, leur voiture est mieux que celle du président de la République. Il m'a dit, Hada, ces présidents que tu vois, c'est des marionnettes pour eux. Et le pouvoir, il est en réalité entre les mains d'Yal Cheikh, d'Yal Tariqa Tijaniya, d'Yal Tel Cheikh, etc. Celle qui a le plus d'adeptes, qui a le plus de... Hein? Enfin, et ça existe, frère en Allah, Azza wa Jal. Il faut voir le pèlerinage des Africains vers la ville du Fès, hein, pour venir visiter la tombe de Tijani. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous préserve de l'associationnisme et de l'égarement. يقول وحتى الثلاث المستثنات أو العشر فكلها راجعة لكسبه المتقدم في الدنيا et puisque huma ils disent que ce qui vient après ils leur donnent ils les alimentent tijani alors que même les trois actes et autres actes cités dans d'autres hadiths revient qui vont alimenter le compte des hasanats de la personne qui est morte, ils viennent de quoi? Des actes qu'il a fait lui auparavant. La sadaqa jariya, le fait d'avoir contribué à la construction d'une mosquée, ou là d'une école, ou là d'avoir laissé une science de laquelle les gens profitent, et ainsi de suite, ça provient de quoi? Des actes de la personne qu'on était vivant. Il laisse un enfant vertueux derrière lui. Hein? C'est ça qui va alimenter son compte. La hado, allo. Hada, il les a fait. Cette sadaqa jariya, il a éduqué cet enfant qui va lui faire du dua et ainsi de suite. C'est ça qui va l'alimenter. Et c'est son acte qu'il aura fait. Ce sont des actes qu'il a accomplis durant sa vie. Hein? يقول إذ لا يوجد فيها ما فعله بعد مماته. Et parce que dans ces actes-là, qui continuent à tourner, à faire tourner le compteur des hasanats de la personne, ce sont des choses que lui-même il a fait. Mais il n'y a rien dans ses actes qu'il aura fait après sa mort. Alors que Huma ils prétendent que ouais, il alimente tout le monde après la mort. Amma ma yuqra'u alayh aw yutasaddaqu bihi falaysa min 'amali. Quant aux choses qu'on lit sur un mort, des lectures, certains lisent le Coran, l'attribuent à leurs parents. Hein? Il dit ça, c'est je l'attribue à mon père. Ou là, des actes, ils les font pour leurs parents. Là, le sadaqa, il a dit, ça ne fait pas partie de ces actes. Hein? Il dit dans ça, « وفيه خلاف بين العلماء من شاءوا قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. » Il dit dans tout ça, les actes qui seront faits par un tiers pour quelqu'un qui est mort, hein, des bonnes œuvres qu'il aura fait pour et qu'il attribue à quelqu'un qui est mort, comme la lecture du Coran. Il dit ça, il y a une divergence entre les hommes de science, et l'origine de cette divergence est ce verset qui dit, et à l'être humain ce qu'il aura fait, les œuvres que lui il aura accomplies. وقال تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Il dit dans notre verset, malheur à eux de ce que leurs mains auront écrit et malheur à eux des actes qu'ils ont commis. Donc, il leur sera pris rigueur des actes qu'ils ont accomplis. يقول وما من كاتب إلا سيبلى ويبقى الدهر ما كتبت يداه فلا ويبقى الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك يوم القيامة أن تراه. Il dit ce poème, rahmatullah alayh, et tout un chacun qui écrit, et tout, il va mourir, tout un chacun, tout écrivain, et tout un chacun de nous qui écrit quelque chose, hein, c'est-à-dire qu'il veut dire par là les actes que nous faisons, hein. Cette personne va mourir et restera ce qu'il aura fait. Il restera ce qu'il aura, s'il aura fait, hein. Et il dit, n'écris pas avec tes mains que quelque chose qui va te réjouir le jour de la résurrection quand il le verra. C'est-à-dire que ne fais que des actes, que quand tu auras ton manuscrit dans tes mains, tu seras réjoui de les avoir faits. Et peut-être tu regretteras même pourquoi tu n'as pas fait plus. Et il cite ce verset du Coran, « Satuktabu shahadatuhum wa yus'aloun » Et il sera écrit leur témoignage, il leur sera posé des questions. Il dit, « Wa min za'mihim al-fasib, anna al-muwadhib ala tilka as-salah, yanalu al-khayr al-rabih » Ils prétendent que celui qui est constamment à faire cette salah, salat al-fatih, hein, il obtient le bien bénéfique, le bien qui rapporte des bénéfices. يقول ملاحفظ رحمه الله وقول الخير كله في اتباع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما استنبطه العلماء رحمهم الله. Il dit, رحمه الله عليه, tout le bien est dans le fait de suivre la parole d'Allah et la parole du prophète عليه الصلاة والسلام et ce qu'ont retenu les hommes de science de la parole d'Allah et de la parole du prophète عليه الصلاة والسلام que Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde. يقول أما الأمر بالمواظبة على الفاتح فإني لا أرى داعي له. Il dit, quant au fait d'appeler les gens à réciter et à psalmodier tout le temps et constamment la prière d'El Fatih, il dit, il n'y a pas lieu à avoir lieu. Il n'a pas à avoir lieu. فإن كان يريد به الدين النصيحة فالنصيحة أن يرشدهم إلى الفقه والحديث وكلام الله وتعلم الضروري من علوم الدين. Il dit, s'il veut conseiller aux gens, il veut mettre en application le hadith du prophète alayhi salam qui dit الدين النصيحة, la religion c'est le conseil, il doit les orienter الفقه, à la compréhension de la religion. Il doit les orienter vers le hadith du prophète alayhi salatu wasalam. Il doit les orienter vers la parole d'Allah azza wa jal. Il doit les orienter vers le fait d'apprendre ce qui est obligatoire dans la religion. D'apprendre ce qui est obligatoire à tout individu dans ses 24 heures pour sa religion. Wa yaqulu in kana yuridu annahu hasala hada wa lam yabqa lahu illa al-amal. فالنصيحة أن يرشدهم إلى تلاوة كتاب الله. Il dit, s'il veut dire par ça que tout ceci est arrivé, hein, que le conseil est arrivé, il ne reste que la mise en application, il dit, le conseil qu'il doit leur prodiguer, c'est le fait de les orienter vers la lecture du livre d'Allah. فإن الحرف منه بعشر حسنات بفهم وبغير فهم. Il dit, parce que le fait de lire le Coran, la récompense en essai, pour chaque lettre, il y a 10 récompenses, 10 hasanat. Que tu le comprennes ou là, que tu ne le comprennes pas. 10 حسنات. وإن قال هذا من باب التدلي على زعمهم ليصل إلى الترقي، mais s'il dit selon leur expression à eux, selon leur lexique, ça c'est du domaine de les prendre au plus bas degré pour progresser avec, pour les emmener aux hautes sphères. At-taraqqi fa'aqul yurshiduhum ila ma warada fi al-hadith min al-istighfar wa subhanallahi bihamdi wa ghayri dhalik. Il a dit s'il veut ainsi évoluer avec et de les prendre du bas de l'échelle pour les monter vers les hautes sphères, ben il doit les orienter vers le fait de faire beaucoup d'istighfar, astaghfirullah, et les formules qui nous a été rapportées par le prophète, et de les orienter vers le fait de dire subhanallah wa bihamdihi et d'autres formules qui nous ont été enseignées par le prophète alayhi salatu wasalam. Yaqul wa in aradu khusus as-salati alayhi salam fa ma ahsan al-warid kayfa wa qad qala وقد قالوا كيف نصلي عليك يا رسول الله قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Il dit si ils veulent une particularité au niveau de la prière sur le prophète عليه الصلاة والسلام, il est mieux d'utiliser ce qui est authentique, ce qui a été enseigné par le prophète عليه الصلاة والسلام, puisque les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام, ils lui ont dit يا رسول الله comment on fait la prière sur toi, et il leur a dit اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يقول على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلموا أحدا تدليا ولا ترقيا بالمعنى المصطلح عند القوم, وإنما علموا كتاب الله وأحكامه. إلي كنت compagnon de محمد عليه الصلاة والسلام, ils ont pas enseigné aux gens en les prenant dans l'expression de dial sofia du bas degré pour les monter dans les hautes sphères. Il dit mais ils ont enseigné le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول ومن زعمهم الفاسد الشنيع المتعارف بينهم نشر ثوب وسطهم حال التصلية أسمعت أو علمت أو رؤي لك شيخ من أو روي لك شيخ من أصحاب رسول الله من أصحاب الحديث أم جاء في كتاب الله أو استنبط من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قارئ القرآن ينشر أمامه ثوبا ليقرأ عليه فضلا عن قارئ الفاتحة. ألها مزية وفضل استوجب به هذا استوجبت به هذا. Il dit, il prétend, parmi les mauvaises prétentions qu'ils ont, qui est connu parmi eux, c'est que au moment où ils vont faire leurs invocations et cette prière innovée, ils étalent un tissu blanc, un drap blanc. Et en général, ça se passe après Salat al-Asr, et les lumières sont éteintes. Et en général, les rideaux fermés et les fenêtres fermées pour qu'il y ait sombre, qu'on voit que le drap blanc au milieu. Hein? Il dit, pour faire cette prière, et il dit, est-ce que tu as entendu, ou tu as su, ou il t'a été rapporté par l'un des hommes du hadith, ou il est rapporté dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ça a été, les hommes de science l'ont retenu des actes du prophète alayhi salam, que quelqu'un qui lit le Coran a à mettre un drap blanc devant lui. Est-ce que ça a une vertu? Est-ce que maintenant le faire pour Salat al-Fatih, est-ce que Salat al-Fatih a une vertu de plus sur le Coran? Est-ce que ça, cet acte, le fait de mettre ce drap, est une particularité? Est-ce que ça a des vertus? Hein? Est-ce que Salat al-Fatih a des vertus pour qu'il mette, il mérite qu'on agisse ainsi? وما بلغ مداه القرآن والحديث فحرما إلا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Et il dit la meilleure des guidées étant la guidée de Mohammed alayhi salam. وما بلغنا عنه هذا ونظائره. Il nous a été rien transmis de tout ça, ni de Rasoul صلى الله عليه وسلم ni de ses nobles compagnons. يقول الشيخ قال عز وجل إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. Il ramène ce verset, il dit ça c'est un mensonge qu'ils ont inventé, hein? Ils ont été aidés dans ce mensonge par d'autres, hein? Ils ont ramené une injustice et quelque chose de faux. يقول رحمه الله نزل الوحي ونطق النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث القدسي والنووي ولم ينشر أمامه الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من أصحابه توبا رضي الله عنهم وأرضاهم. Il dit, rahimahullah, la révélation est descendue. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a parlé avec la révélation. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a parlé aussi avec des hadiths qudsi qui s'attribuent directement à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas du même degré que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran, mais c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a cité des hadiths, a dit des hadiths, et à aucun moment Abu Bakr Siddiq, ni Omar, ni Uthman, ni Ali n'ont étalé un drap blanc devant le prophète alayhi salatu wassalam. Ridwanullah alayhi. Et aucun compagnon n'a fait de même. Qila anna dhalika mu'iddun indahum li julusin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que ça, ce drap blanc qu'ils mettent au milieu, ils le préparent pour que le prophète alayhi salatu wassalam vienne s'asseoir au milieu. Wa hadha aydan أصار النبي صلى الله عليه وسلم لعبة يأتي لكل حلقة بدعة مشتملة على مناكر كالرقص ويجلس وسط القوم على خرقة أرضي بالبدعة فأتى il dit ça aussi. Est-ce que le prophète عليه الصلاة والسلام est devenu maintenant un jeu? Il va venir dans chaque cercle d'innovation dans lequel il y a le blâmable et dans lequel il danse, il va s'asseoir au milieu d'eux sur un drap. Est-ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam agrée les innovations? Il vient pour agréer les innovations. Vous voyez un petit peu jusqu'où ça amène. Ça aussi, les adeptes d'Aliyasinin voient aussi que le prophète assiste à leurs conseils. Aliyasinin avec lesquels sont éprouvés la jeunesse marocaine maintenant et les intellectuels marocains, même ici en Europe. La même chose pour eux. Ils disent que dans les conseils, ce qu'ils appellent Majalis Nasiha, il y a le prophète qui vient et qui assiste. Et qu'Abu Bakr Siddiq, Omar, vient assister au conseil d'Yal Nasiha, ce qu'ils appellent les conseils d'Yal Nasiha. C'est Allah subhanahu wa ta'ala salam ou la vient. Et quand ils pensent combien d'assises il y a, combien d'assises dans la semaine ils ont d'Yal Nasiha, ils ont plusieurs à travers plein de régions du Maroc et des fois à travers le monde là où ils sont. Ils ont atteint le Canada. Tu vois, l'innovation, c'est comme la gale, ça se propage très vite, très loin. Ils sont ici, un petit peu partout. Et donc ils font le jour, en général, c'est un jour bien précis, le jour d'Yal les conseils. Donc ça veut dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il prend combien de formes? Dans combien d'assises il va y avoir? Dans combien d'assises, après Salat al-Maghrib, après Salat al-Asr, entre Salat al-Maghrib et Salat al-Asr, il va être sur les draps d'Yal Tijaniya, où il va être? Au Sénégal, à Marrakech, à Fès, ou là il va être à Tombouctou, ou là à Taman Rasset, où est-ce qu'il va être? Combien ils ont de prophètes dans ces cas-là? Vous voyez un petit peu comment les gens ils peuvent gober des trucs qui, en réalité, quand ils réfléchissent, ça n'a aucun sens. Et il a dit vrai, Shqir Rahimahullah, il dit, est-ce qu'il y a un marché des raisons, où les raisons se vendent, pour acheter des raisons à ceux-là? Parce qu'en réalité, ils ne les ont pas, ils les ont perdus. Ou là, ils les ont vendus à vil prix. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, salam wa al-afiyah. Fayaqulu rahimahullah, hasha amsara furjatan yuj'alu fil wasati wan nas muhdiqatun bih. Il dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est élevé au-dessus de ça. Alors, il dit, ou alors, dans ces cas-là, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est devenu un spectacle. Et il va venir dans chaque cercle. Et les gens sont autour de lui. Ça devient un spectacle. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, salam wa al-afiyah. حاشاه فلو أمر مقدمهم لو أمر مقدمهم بالجلوس على تلك الرقعة لأبى وتكبر هذا تعظيم أم إهانة ici on demande à leur cheikh on مقدم de la secte ou dans la confrérie où il se trouve assieds-toi au milieu de cette il va refuser il va s'enorgueillir il va trouver que ça c'est un avilissement alors que c'est que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui s'assoit là. Et lui, il ne s'assiera pas là parce que c'est un avilissement pour lui. Sallallahu subhanahu wa ta'ala sallam. C'est un avilissement pour lui, mais ce n'est pas pour le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu subhanahu wa ta'ala sallam wa al-afiyah. Wa qad alimta anna as-sahabata tashajaru fi ahkamin wa takhalafu. Fama qala ahaduhum atani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qala li kada. Et vous savez tout ce qu'il y a eu, des petits litiges entre les compagnons de Mohammed alayhi salam, et des différences sur certains points et sur certains actes. Hada, il connaissait un certain acte, l'autre il ne le connaissait pas, donc il y a eu certaines petit différent entre eux. Et personne parmi eux n'a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est venu me voir, il m'a dit, il faut accomplir, il faut que ça soit comme ça. Aucun d'eux, ridwanullahi alayhim. Et si le prophète devait sortir pour quelqu'un, ben c'est pour les compagnons en priorité, hein, qui sont les plus nobles créatures. Et la meilleure des générations humaines qui a été créée après le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour être les compagnons du dernier des messagers. Allez, salatu salam wa ridwanullah alayhim. Yaqul rahimahullah wa qad taqasamat as-siddiqatu mawlatuna Fatimatu az-Zahra ma'a Abi Bakr fi mas'alati al-mirat. Wa lam yaqul laha Abu Bakr sayati 'indi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa yaqul kadha wa la ajabatu hiya radiyallahu anha bidhalik. Abakhila 'alayha wa jada 'alaykum. Moulatuna Fatima, parce que c'est des descendants de Ali. Il faut savoir que les Alaouites de la dynastie qui règne au Maroc, leur lignée remonte directement à Ali radhiyallahu anhu, comme Cheikh Taqi dit, il allait aussi. Donc leur lignée, leur arbre généalogique les remonte jusqu'à Ali radhiyallahu anhu. Donc c'est pour ça qu'il utilise le terme Moulatuna Fatima Zahra. Quand il est venu demander son héritage à Abu Bakr Siddiq. Ridwanullahi alayhim, jami'an. Et Abu Bakr Siddiq lui a pas dit, attends jusqu'à ce que le prophète vienne me voir pour me dire ce que je dois faire. Hein? Et elle-même ne lui a pas dit la même chose que Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Il lui a pas dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam est venu me voir pour que je vienne te prendre, te demander mon héritage. Est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a été avare vis-à-vis du prophète alayhi wa sallam et a été généreux avec vous? Subhanallah. C'est la situation devait se faire, ça devait se faire plutôt vis-à-vis des compagnons. Ils n'ont pas de gens qui ont innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وانظر يوم موته عليه الصلاة والسلام لما دخلت عليه وهي تبكي فسرها بأنها أول من يلحق به فضحكت فهلا قال لها إني سآتيك في منزلك. Et regarde aussi quand au moment où Rasoul sallallahu alayhi wa sallam allait mourir, il a serré sa fille ridwanullah alayha Fatima et Fatima a commencé à pleurer et il lui a dit donc, entre elle et lui, il lui a dit, tu seras la première à me rejoindre. Et là, il a souri. Est-ce qu'il lui a dit, je veux venir te voir chez toi? Là, il lui a dit, tu seras la première à venir me rejoindre. Il lui a pas dit, je veux venir te voir chez toi. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma nuqila an ahadihim, anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam dakhala ala Uthman yawm al-waqa'a. وكف الأصحاب عما زعموا عليه ولا أترى أن هؤلاء أفضل من أولئك أم هؤلاء على الحق وأولئك على غيره حاشا وكلا. Il dit rahimahullah ta'ala, il nous a pas été rapporté de qui que ce soit parmi les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam que le prophète alayhi salatu wassalam est rentré chez Uthman le jour où il allait être assassiné, le jour de la grande catastrophe pour la communauté, hein. Et il n'est pas rentré ses khawarij pour leur dire arrêtez. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu pour leur dire arrêtez de ce que vous allez faire. Hein? Mais rien de tout ça. Est-ce que maintenant tu vois que ceux-là, ces hygiènes, ils sont mieux que les compagnons de Mohammed alayhi wa sallam? Ou alors ils sont plus sur la vérité que les compagnons de Mohammed alayhi wa sallam? Est-ce qu'il est pensable que quelqu'un qui est venu après les compagnons de Mohammed alayhi wa sallam soit mieux qu'eux? C'est impossible. C'est impossible. La terre qui tombe de Muawiyah, des pieds de Muawiyah, est mieux que tous ceux qui sont venus après. Parce que c'est un compagnon. Ridwanullah alayh. Hein? Et les compagnons de Mohammed alayhi wa sallam, tous ceux qui sont venu après eux, ne leur arrive pas à la cheville, à tous les niveaux. Au niveau d'un cœur dévoué pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Au niveau qu'ils ne s'imposaient rien de leur religion, ils ne la compliquaient pas. Au niveau qu'ils étaient soumis complètement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et à son messager, alayhi salatu wassalam. Hein? Et Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Muhammad, alayhi salatu wassalam, il a regardé dans les cœurs des gens. Et il a choisi le cœur le plus pur qui était le cœur de Mohammed alayhi sallam. Et après, il a regardé dans les humains. Il a choisi les meilleurs cœurs. Et ce sont les cœurs des compagnons de Mohammed alayhi sallam. C'est pour ça qu'il les a choisis. Et il a fait que ce soit ses vizirs, hein, et ses compagnons pour après transmettre ce message à l'humanité entière. Ridwanullahi alayhim. Hein. Il n'y a personne qui peut être mieux qu'eux. Il n'y a que les prophètes qui sont mieux qu'eux. Ridwanullah alayhim. Hein? Et donc, si le prophète alayhi salatu salam, après sa mort, devait apparaître, il aurait apparu aux compagnons de Muhammad alayhi salatu salam. Fa, sallallahu subhanahu wa ta'ala lana wa lakum tabat. والشيخ ينهي كلامه هذا عن التجاني ويقول وما أتاكم الرسول فخذوه إيه ملاحفظ رحمه الله il termine cette réplique en résumé ici dans son livre et il dit ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vous a donné prenez-le et il dit اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا et aujourd'hui je vous ai parachevez votre religion. Et je vous ai comblé de mes bienfaits. Hein? Et je vous ai créé l'islam comme religion. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال تركتكم على الحنيفية البيضاء لا يزغ عنها إلا هالك وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit je vous ai laissé sur une voie claire. Ne s'égare de cette voie claire que celui qui cherche sa perte. Et il a dit, celui qui se détourne de ma voie, il n'est pas sur la même voie que moi. Asallah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, j'alni wa iyakum, min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, wa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli allahumma wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.